Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, notre rapport à la propreté et à l'hygiène. Et ils l'ont fait. Qui a fait quoi? Palmolive a fait un nouveau savon pour les femmes qui se maquillent. Vraiment? Ça prenait Palmolive pour faire ça? Ils disent qu'il humidifie la peau, ce qui permet au maquillage de rester frais toute la journée. Je me demande comment ils font. Palmolive contient de la lanoline, ce qu'il y a de mieux pour adoucir la peau. Nouvel empaquetage, couleur et parfum. Palmolive à la lanoline. Le ton de cette publicité de savon, qui date de 1959, peut bien sûr nous faire sourire, mais le message au fond que continuent encore aujourd'hui de nous envoyer les publicités de savon ou de produits cosmétiques reste le même. Être propre, sentir bon, avoir la peau douce. À quand remonte ce désir de propreté et comment évoluera l'hygiène au cours de l'histoire? Bon, allez! Saponnez-vous de bon cœur et insistez bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Allez-y, franchement. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs? Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. Ah. C'est bouilli. Allez, mets-les au corps. Vous vous en sortez? J'ai fini mes ablutions. Ah. À toi. Non, non, non, mais sire. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller. Rigolo, cet extrait du film Les Visiteurs que vous reconnaissez probablement. Film de Jean-Marie Poiret, réalisé en 1993. Laurent Turcot qui est déjà bord de s'écrouler de rire. Ah ben oui, moi c'est bonsoir, un des grands Laurent. Bonsoir. Historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Ça nous montre bien, c'est rigolo oui, cette scène-là, ce film-là est génial. Mais ce qu'on vient d'entendre, cette scène nous montre bien au fond de quelle manière l'hygiène, la propreté évolue au cours du temps. Il faut le rappeler, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, ils sont ces personnages qu'on vient d'entendre dans cette baignoire du 20e siècle. Ils sont propulsés dans le temps directement du 12e au 20e siècle, d'où la perte de leurs repères quand vient le temps de se savonner à souhait. De fait, 2 mois, ça correspond... c'est dans les normes au 12e siècle? Ça dépend encore de la catégorie sociale. Dernier bain, il y a 2 mois. Oui, ça se peut. Certaines personnes ne se lavent jamais durant toute leur vie. Mais entendons-nous, c'est que le Moyen-Âge, on le présente souvent comme une période qui est sale, qui est noire. C'est plus compliqué que ça. L'héritage des Romains, et même des Grecs, pourrait-on dire, avec les bains, les thermes, on le sait à quel point les Romains vont construire des thermes qui vont être magnifiques, qui sont plus que des bains, c'est des espaces de vie, c'est des espaces où on lit, on s'exerce. Eh bien, l'époque médiévale, qui est héritière de l'héritage romain, va poursuivre les bains, et on en retrouve un peu partout, en Europe, en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre, les fameux thermes de Bath, le Bath, la ville en Angleterre, justement, qui va donner les eaux au 18e. On le faisait pendant l'époque médiévale. Et nos visiteurs ici, qui sont ce noble, justement, qui est incarné par Jean Reno, et ce gueux, qui est incarné par Christian Clavier, il est probable que le noble, lui, ait fait des bains, mais entre nous, il va rester avec ses semblables. Ouais. Tandis que Christian Clavier, qui est jacouille, lui, 2 mois, je dirais plus 2 ans, voire une vie. Jamais. Donc jamais. Pas jamais. De bain pour le gueux, au Moyen-Âge. Ben, très peu, parce que l'eau coûte cher. Ouais. Et entendons-nous, les bains qu'on prenait, quand il dit dans la rivière, c'est pas nécessairement de l'eau la plus claire qu'on peut avoir. Non, effectivement. Donc, ça commence déjà à l'Antiquité. Avant, ça existe ou pas, cette notion d'hygiène préhistoire par là ou ben, non? On manque de sources. C'est toujours le problème en histoire. C'est qu'on ne fait pas l'histoire en regardant le passé, mais avec les traces qu'elle a laissées. Et en l'occurrence, les traces les plus évidentes que l'on ait, c'est en Égypte antique, en Grèce antique et, comme je viens de l'évoquer, dans la Rome antique. On le sait que dans tous les péplums, j'entends, c'est les films réalisés au 20e siècle qui représentent la Rome antique, on retrouve souvent ce bain qui est un lieu typique non seulement de la civilisation du loisir romaine, mais d'une civilisation de la propreté. Ouais. Être propre de sa personne, c'est bien sûr être digne et le rang va impliquer la dignité, donc la propreté, ça va de soi. Ils sont très, très fréquentés à un moment donné, les bains. Ça deviendra des terrains de jeu, disons ça comme ça, ce qui fait qu'il y aura des maladies d'associés. Il y a un déclin, en fait, une perte de popularité du bain parce que syphilis, par exemple. Oui, tout à fait. La syphilis, ce que vous venez d'évoquer, qu'on appelle le mal américain, certains affirment que c'est Christophe Colomb au retour d'Amérique qui aurait ramené le mal. D'autres l'appellent aussi le mal napolitain. C'est un mal, comme vous le savez, une maladie transmise sexuellement qui va se répandre dans les bordels. Donc, on va fermer les bordels peu à peu, mais pas seulement pour pour des raisons d'hygiène, aussi pour des raisons religieuses, parce que là, on arrive, pour nous situer, 15e, 16e, 17e siècle, donc début de l'époque moderne, c'est l'époque des réformes, réformes luthériennes et contre-réformes catholiques, où là, justement, on veut mettre une espèce de chape de plomb sur les corps. On ne doit pas toucher les organes sexuels, la propreté, bon, c'est pas véritablement important. Et on se méfie de l'eau également. Parce que l'eau est vecteur de maladie. Et donc, le bain qui était encore, comme on l'a dit en introduction, utilisé au Moyen-Âge, est véritablement tombe en décrépitude, pourrait-on dire. On les ferme peu à peu, ce qui fait qu'à Paris, 15e, 16e siècle, il y en a presque plus de bains. Donc, que fait-on? Ben, on fait un lavage, parce que ça existe encore, mais par frottement. Le typique noble de l'époque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un linge blanc et il va se frotter les mains avec, mais par friction, jamais d'eau, parce que l'eau, justement, permet d'ouvrir les pores. Et quand on ouvre les pores, ça laisse entrer ce qu'on appelle les mauvaises humeurs. Ouais. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, on dit, donc toujours du 16e, 17e, 18e, là, on avance jusqu'au 18e, c'est que si vous avez une bonne couche de gras sur la peau, c'est le règne de la propreté. Ça vous protège. Oui, exactement. C'est un peu comme les fruits, quels qu'ils soient, il y a toujours une peau qui empêche la corrosion. Bon, ça, c'est dans des termes classiques et contemporains, mais pour les gens de l'époque, justement, ça empêche ces mauvaises humeurs d'entrer, de pénétrer dans le corps. Mais encore, il y a toute une théorie des humeurs qui va se développer, Laurent Turcot. Ben oui, c'est ça, parce que là, j'ai évoqué le terme d'humeur, mais entendons-nous, l'hygiène est liée, on l'a évoqué un peu, à la médecine. Et la médecine qui existe, c'est la médecine hippocratique et galénique. Terme compliqué qui veut dire une seule chose, la théorie des humeurs. Donc, hippocratique, c'est-à-dire du médecin Hippocrate, et galénique, du médecin Galien. Ce sont deux médecins de l'Antiquité qui ont mis en place ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Donc, on va essayer de prendre un temps pour comprendre la chose. On considère qu'il y a quatre grandes humeurs. Donc, vous et moi, Jacques, nous avons quatre humeurs dans notre corps. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme. Chaque humeur, donc chaque liquide, sert une fonction. Le sang, c'est la liqueur de la vitalité. Quand il s'écoule du corps, c'est la vie qui se déverse avec lui. La bile, c'est le liquide gastrique. Donc, ce qu'on a dans le ventre, et c'est ce qui est indispensable à la digestion, ce qui sert à cuire les aliments, pense-t-on. Enfin, le phlegme, qui comprend toutes les sécrétions incolores, comme une espèce de lubrifiant, que ce soit la sueur, les larmes, et enfin la bile noire, qu'on appelle aussi pituite ou pituité. On la trouve jamais pure, mais elle est responsable de l'obscurcissement des fluides. Comme par exemple, si votre sang est un peu noirâtre, ça veut dire que vous avez un excès de phlegme. Eh bien, quand ces quatre humeurs sont en adéquation et se forment bien, le corps est en santé. Ouais. Mais ça devient plus complexe, parce que ces quatre humeurs sont liées à quatre éléments, parce qu'on le sait, il y a quatre éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau, qui sont liés à des tempéraments. Donc, si vous avez trop de sang, vous êtes l'élément auquel c'est lié, c'est l'air, et vous allez avoir un tempérament sanguin. Si vous avez trop de bile noire, l'élément, c'est la terre, et votre tempérament, ça va être la mélancolie. Et donc, tout ça est en lien, parce que ça va être en lien aux planètes, ça va être en lien au vent, ça va être en lien à tout un ensemble d'éléments. Et on dit même que le corps est le microcosme du macrocosme. Tout ce qui se passe autour de vous, votre corps, c'est le résumé de l'univers. On dit souvent, et ça va s'allier à la théorie chrétienne, que Dieu a fait l'homme à son image, donc c'est un résumé de l'univers et c'est la représentation de Dieu. Ça devient un peu complexe. Et il faut que tout ça soit en équilibre, en parfait équilibre. On ne va pas trop entrer là-dedans, mais il y a la recherche de l'équilibre, il y a un code, il y a cette grille dont vous venez de nous parler, et c'est lié à la médecine, parce que hygiène égale propreté, mais santé aussi. Et un seul exemple, la fameuse saignée, c'est directement lié à ça. Ben oui, exactement, parce que un des modèles médicaux à l'époque, on considérait que quand il y a trop une humeur qui devient pléthorique, c'est-à-dire qu'on a trop d'une des humeurs, il faut l'extraire. Et comment le faire? Vous l'avez dit, la saignée, qui est encore utilisée, mais pour d'autres raisons. À l'époque, on considérait que le corps humain avait 24 litres de sang. Combien a-t-on de litres de sang, Jacques? Je vous le demande. J'ai raté ce cours-là. Entre 5 et 7. Et on considérait à l'époque qu'on pouvait extraire facilement 12 à 18 litres de sang sans problème. disons que certains médecins en ont tiré un peu trop. Ouais. Donc, le côté thérapeutique devenait plus un problème ici. Mais c'est une médecine hygiénique. Mais peu à peu, on va laisser tomber cette théorie des humeurs, notamment au 18e siècle, avec ce qu'on appelle le néo-hippocratisme. Qu'est-ce que c'est que le néo-hippocratisme? C'est que certains médecins considèrent que, plutôt que donner des médicaments, plutôt que de faire des saignées, on va prescrire une dose de nature, un grand bol d'air frais. Ah ben oui. On va dire aux gens, vous êtes malade, vous avez de la fièvre, allez vous promener dehors. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est une hygiène médicale. Et peu à peu, l'eau, dont on a parlé tout à l'heure, revient en force. Mm-hmm. Elle n'est plus considérée comme un danger. Elle n'est plus considérée comme quelque chose qui apporte le malheur ou provoque la maladie, ouais. mais au contraire permet de rafraîchir et de revigorer. On va même dire que l'eau chaude permet de relaxer les fibres, parce que c'est la théorie des fibres qui commence à se développer au 18e siècle, mais aussi ça permet de contraindre les muscles. Et notamment à la fin du 18e, on assiste peu à peu à la naissance du sport en Angleterre, mm-hmm. et notamment la natation. Ouais. Peu à peu, justement, les médecins vont encourager les gens à se mettre en forme, se mettre en mouvement, et l'hygiène procède de ce double mouvement. Donc, on ne peut pas séparer l'hygiène de la médecine. L'un ne va pas sans l'autre. Laurent, on va revenir un petit moment au 17e siècle, parce que votre bon ami, l'historien Georges Vigarello, nous attend. Là, il est juste là en régie. Coucou, Georges. non, mais sérieusement, extrait d'une entrevue que donne Georges Vigarello sur... on est donc au 17e siècle. Vous nous en avez parlé, avant que l'eau ne redevienne à la mode, on est à l'époque où on craint l'eau. Au fond, c'est davantage les vêtements, le linge qui fait foi de la propreté que l'entretien du corps, nous dit Georges Vigarello, extrait d'une entrevue qui date de 1985. Nos ancêtres avaient une conception de la propreté, eux-mêmes se considéraient comme propres. Alors à partir de là, pour donner un exemple, la situation de l'Ancien Régime, par exemple, en France, une marque importante de propreté, c'était pas tellement de se laver en utilisant de l'eau, je pense plus particulièrement au XVIIe siècle, mais c'était de changer de linge, par exemple, voyez-vous. Et ce changement de linge était, à la limite, théorisé, puisqu'on disait que le linge blanc absorbait la transpiration, absorbait les déchets, et que renouveler son linge, c'était finalement la façon, peut-être certains même allaient jusqu'à dire, la meilleure façon d'être propre. C'est fascinant à quel point ça me frappe tout à coup. Tout est théorisé, Laurent Turcot. La théorie des humeurs, la théorie de l'eau, température chaude qui correspond à... même la théorie... Écoutez, le blanc, on théorise tout. La blancheur du vêtement est synonyme de propreté. De la même manière, le juste au corps qu'on connaît, qu'on ne changeait jamais, lui, quand il devenait sale, on le changeait. C'était aussi simple que ça. Et certains vont même plus loin. La blancheur des dents, je vous donne, on est au 17e siècle, on y reste, la marquise de Sévigné qui écrit à sa fille qu'elle se lavait les dents avec de l'urine de garçon prépubère, parce qu'elle affirmait que c'était le meilleur moyen de garder ses dents blanches. Ne faites pas N'essayez pas ça à la maison. Ça ne marche pas. Je ne vous dirai pas que je l'ai essayé, parce que ça va faire un petit peu tendancieux. Mais oui, c'est vrai, le linge blanc, les dents blanches, pourquoi? Pour des raisons d'apparence. On le sait, l'apparence, c'est toujours le premier signe que l'on envoie à l'autre. Et on est dans une société, la société d'Ancien Régime, donc du 16e jusqu'au 18e siècle, une société de transparence sociale. Ouais. C'est-à-dire la hiérarchie inégalitaire se reflète sur le corps. La manière dont on le porte le corps, la manière dont on se présente, et le linge blanc égale propreté, qui égale décence, qui égale bien mise en forme. Donc voilà pour le 17e. 18e, on en a parlé, l'eau revient avec cette théorie eau froide, eau chaude. 19e, ça se développe. En fait, ce qui arrive, c'est que les villes, l'infrastructure se développe, l'infrastructure moderne, canalisation, égout, ce qui va contribuer à la démocratisation du bain, Laurent. Tout à fait. La démocratisation du bain, encore une fois, un courant médical déterminant. L'hygiène publique, et là, les médecins qui définissent la chose, c'est les médecins hygiénistes. Et on parle même du siècle des hygiénistes. On est peu à peu dans la transformation médicale du modèle humoral vers le modèle physiologique. C'est-à-dire qu'on peut observer, le corps devient une sorte de machine. De la même manière, la ville devient une machine. Mm-hmm. Donc, on peut la régler et suffit simplement d'arranger les différents mécanismes pour que ça fonctionne. Donc, le registre des sensibilités commence à évoluer. On considère que la peau respire, qu'elle se doit de respirer. L'eau porte la fraîcheur avec elle. Elle permet d'effacer les petits micro-organismes qui vont se nicher à gauche et à droite. Et quand je parle de micro-organismes, de qui parle-je? De, bien sûr, le grand médecin, exactement, Louis Pasteur, qui va développer sa théorie, justement, sur les microbes et qui va trouver le vaccin contre la rage. On le connaît, ça aussi. Et qui va être fondamental, Pasteur, dans cette histoire de l'hygiène et de la propreté. On va y revenir dans quelques minutes. Juste un petit détour par les bains publics. Oui, les bains publics sont fondamentaux. Oui, vous avez raison. Partout. Partout. Partout, dans toutes les villes. Les premiers bains qui se développent, c'est encore l'Angleterre. C'est pas la première fois que je le dis à cette émission. Les Anglais sont toujours en avance sur tout, sauf sur certains éléments. On aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler. Mais là-dessus, Liverpool, qui est une des premières villes en 1842, pour être plus précis, à se doter de bains publics. Pourquoi? Parce que le bain public permet, dit-on, une lutte contre les épidémies, mais où on le présente comme le symbole par excellence de l'avancée de la civilisation. Donc, toutes les grandes villes se dotent de bains publics, mais plus encore, les villes vont en être transformées parce que ce symbole du bain qui purifie de la propreté, de la fraîcheur, on va vouloir l'adapter dans les villes. Donc, ouvrir les rues, faire de grandes rues où l'air respire. Toutes les maisons qui étaient sur les ponts, qui empêchaient la circulation de l'air par l'eau, on les détruit. Dorénavant, la ville, c'est comme le corps humain. Et c'est pas pour rien qu'on appelle une rue une artère, qu'on appelle le centre-ville le cœur de la ville. Il y a un lien que l'on fait entre le corps humain et le corps de la ville qui nous permet de la comprendre comme telle. Donc le registre olfactif, lui aussi, dans la ville, va évoluer, ce qui fait qu'on se raffine. Les exhalaisons excrémentielles, les putréfactions de cadavres, les charognes, autres produits fermentés, tout ça n'est plus toléré, on doit l'évacuer. De la même manière, tout ce qui est sale, on doit l'évacuer du corps. Louis Pasteur, le grand pasteur, on y revient, figure incontournable de cette histoire de l'hygiène. Extrait d'un reportage d'Hugues Poulain en 95 à l'occasion du centenaire de la mort de Pasteur. Pasteur ne semblait pas destiné à devenir un homme de légende. Il ne réussira son baccalauréat en sciences qu'à sa troisième tentative. Mis à part les polémiques scientifiques qu'il alimentera, il sera plutôt un bourgeois tranquille. Son secret, son travail acharné et sa détermination. Et ce n'est d'ailleurs qu'à 63 ans qu'il fera sa découverte la plus célèbre, le vaccin contre la rage. Il identifiera l'immunité, les agents infectieux, il est le père de l'immunologie. Depuis Pasteur, les chirurgiens se lavent les mains avant d'opérer. Et chimiste de formation, il aura été en quelque sorte le premier à fusionner la chimie et la biologie. Il aura été aussi le premier à recourir systématiquement au laboratoire pour infirmer ou confirmer de façon spectaculaire ses hypothèses. Il trouvera des remèdes aux maladies du vin, du ver à soie et au choléra des poules. Dans ses recherches, il inventera un procédé de chauffage pour détruire les microbes de la bière et du lait. La pasteurisation était née. Alors voilà, reportage qui capsule pas mal bien. Quel homme quand même. Quel homme. On mesure le pas de géant que Pasteur a fait. C'est pas pour rien aujourd'hui que l'Institut Pasteur à Paris est encore dominant dans la gestion des épidémies dans le monde. Dès qu'il y a un nouveau virus, dès qu'il y a quelque chose, on entend automatiquement parler de l'Institut Pasteur. Donc ce n'est pas un hasard que l'Institut à Paris s'appelle comme ça. Il y a une citation savoureuse d'ailleurs. C'était dans quoi? La gloire de mon père. La gloire de mon père, je peux pas m'empêcher. C'est Marcel Pagnol. On peut le voir dans les film aussi parce qu'on l'entend. Et Pagnol écrit dans La gloire de mon père, dont fin 19e, début 20e, il dit qu'à cette époque, les microbes étaient tout neufs puisque le grand Pasteur venait à peine de les inventer. Imaginez, c'est pas beau, ça. C'est quand même bien fait. Il y a une candeur là-dedans, mais c'est succulent. C'est à la manière d'un enfant, bien sûr, qui voit les choses. Il parlait de micro-organismes qu'on n'a jamais vus. Donc, on vous dit, il y a des micro-organismes. Ah, bon? Où sont-ils? On ne les voit pas. Et c'est important, ça. On travaille dans l'infiniment petit et même on travaille dans l'invisible. C'est le premier à faire ça. Oui. Le microscope, bon. Et à partir de ce moment-là, la médecine va travailler sur l'invisible, ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Parce qu'à l'époque, tout ce qui était maladie se voyait sur le corps. Ouais. La peste, le choléra, ça se voyait, la peste bubonique, le corps devenait noir, donc il fallait laver la chose. Mais là, on vous dit, non, vous avez des micro-organismes sur vous qu'il faut laver. Oh! Dans le reportage d'Hugues Poulain, il parle évidemment de la pasteurisation. Il y a un lien avec le Montréal de la fin 19e, début 20e. Il y aura un problème avec le lait, un problème grave de santé publique. Et ça va donner ce qu'on appelle les gouttes de lait. Tout à fait. On est à Montréal, justement, à la fin du 19e siècle. Et la médecine pédiatrique est peu développée, mais plus encore, la mortalité infantile est extrêmement élevée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer, comme vous l'avez dit, les premières gouttes de lait. C'est une initiative privée, pardon, qui apparaît à partir de 1910 dans les paroisses montréalaises afin d'offrir conseil et soutien aux mères des nouveau-nés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, grossièrement, on distribue du lait pasteurisé aux familles montréalaises au début du 20e. Et ça va marcher. Ça va magnifiquement bien marcher. La mortalité des enfants va réduire dramatiquement de 19 % à 5 %. Ce qui fait que les méthodes d'hygiène publique, et même, il y a un nouveau terme qu'on utilise, de santé publique, parce que les premiers bureaux de santé publique ouvrent un peu partout dans la province, à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, bien sûr à Québec aussi, mais on va s'accompagner d'une littérature, c'est-à-dire on va publier, par exemple, en 1923, les principes d'hygiène pour toutes les familles canadiennes. Oui. En 1930, le livre des mères canadiennes, et là, c'est très drôle parce qu'on revient à la médecine néo-hippocratique et on fait ce que probablement toutes nos mères ont fait. On dit prenez vos enfants oui. et promenez-les dehors. Et même quand il fait très, très froid. Le grand bonnet d'air frais. Exactement. Oui. Et moi, ma mère me dit toujours, je t'ai laissé dormir à moins 30 couvert dans les couvertures sur la oui. galerie pendant des heures et des heures. Ce qu'aujourd'hui, on ne fait plus du tout parce qu'on dit, oh, mon Dieu, l'enfant va mourir. Un dernier petit mot sur les parfum. Justement, comment se fait un parfum? Comment décide-t-on que le parfum est prêt à lancer sur le marché? Ah, mais vous comprenez, M. Dior, il savait qu'il voulait un parfum différent. Alors, donc, avec son chimiste, qui était un des meilleurs du monde, il était arrivé à trouver, au bout d'un an, ils ont étudié, vous comprenez, ils doivent mélanger seulement des fleurs, ils arrivent à mélanger des essences, et puis hop, le parfum est prêt. Vous comprenez? Et alors, mais il faut, vous comprenez, un parfum, c'est comme un vin, il mûrit dans des grandes études. Par exemple, chez Dior, il y a des études énormes de parfums, n'est-ce pas? Et alors, vous avez le type qu'on appelle le nez, un type qui a un nez merveilleux, d'ailleurs, comme dans les vins, et les gens qui en ont pas. Et alors, on étudie le parfum, on sait quand le parfum est prêt, à une certaine époque. Et alors, il y a des petits, comment dire, des petits... Des pipettes? Oui, et alors, on sent, il est prêt ou il n'est pas prêt. Ah bon, oui. Françoise Fauché qui interviewait Adrienne Leguin de la maison Dior en 1962. Alors, Laurent Turcot, pour terminer cette émission, en un mot, on va faire une émission sur les parfums, une émission un complète, oui. mais l'importance du parfum dans cette histoire d'hygiène. Ben oui, le parfum est fondamental et du 16e au 17e, le parfum est un contre-odeur, c'est-à-dire qu'on considère que l'odeur peut tuer. Donc, pour contrer les mauvaises odeurs, on va utiliser les parfums, des parfums extrêmement violents. Mais on s'entend que quand on met sur une mauvaise odeur un parfum, ça donne parfois une alchimie un peu particulière. Ouais. Et plus encore, les parfums se développent parce que ça devient une manière d'apparence. Il y a un magnifique livre que tous vous connaissez de Patrick Suskind oui. qui s'appelle Le Parfum, qui parle de cette ville de Grasse, et moi, je l'adore, cette ville, parce que ma grand-mère y habite encore, où vous avez des lilas partout, vous avez des fleurs qui émanent. Et c'est dans cette ville qu'on a développé les plus grands parfums. Et ce n'est pas que Dior. Parce qu'avons-le sur cette archive, elle prêchait pour sa paroisse. Il y avait mais... un petit peu d'enflure, de chauvinisme dioresque. Voilà. Si je puis dire. Meilleur chimiste au monde. Qui disent. Le nez merveilleux. Qui disent. Voilà. Laurent Turcot, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Historien et enseignant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation, Caroline Morin et André Martineau à la recherche, recherche d'archives, Mario Bolduc, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire au singulier @radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.